Avec le temps, la cousine Bette avait contracté des manies de vieille fille assez singulières. Ainsi, par exemple, elle voulait, au lieu d'obéir à la mode, que la mode s'appliquât à ses habitudes et se pliât à ses fantaisies toujours arriérées. Si la baronne lui donnait un joli chapeau nouveau, quelques robes taillées au goût du jour, aussitôt la cousine Bette retravaillait chez elle, à sa façon, chaque chose, et la gâtait en s'en faisant un costume qui tenait des modes impériales et de ses anciens costumes lorrains. Le chapeau de 30 francs devenait une loque, et la robe un haillon. La Bette était, à cet égard, d'un entêtement de mule. Elle voulait se plaire à elle seule et se croyait charmante ainsi, tandis que cette assimilation, harmonieuse en ce qu'elle la faisait vieille fille de la tête aux pieds, la rendait si ridicule qu'avec le meilleur vouloir, personne ne pouvait l'admettre chez soi les jours de gala. Cet esprit rétif, capricieux, indépendant, l'inexplicable sauvagerie de cette fille, à qui le baron avait par 4 fois trouvé des parties, un employé de son administration, un major, un entrepreneur des vivres, un capitaine en retraite, et qui s'était refusé à un passementier devenu riche depuis, lui méritait le surnom de chèvre que le baron lui donnait en riant.